cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala rahimahullah, al-mutlaq wal-muqayyad. Hada al-bab, il ressemble au umum et au khas. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité hada al-bab juste après. Et c'est pour ça qu'on va essayer de le lire ensemble. C'est très très simple si tu as compris ma taqaddam. Faqat, tu dois comprendre la différence. La différence entre al-mutlaq et l'umum. Si tu as compris hada, ça sera très très simple. Qala ta'rifu al-mutlaq lughatan ضد المقيد. C'est comme العام, c'est le contraire de الخاص. المطلق, c'est le contraire de المقيد. قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام. Et هنا on va faire la différence entre العام et المطلق Inch'Allah. قال لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. هذا سهل. Pour l'instant, retenez que المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. تأمل قوله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. المطلق c'est قوله رقبة فتحرير رقبة. Vous vous rappelez de العموم قوله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. Donc on a ces deux versets, un qui montre الإطلاق et un qui montre العموم. إن الإنسان, ça englobe جميع الناس, c'est من العموم. فتحرير رقبة, c'est مطلق, c'est pas من العموم. C'est quoi la différence? On peut résumer كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في الشرح انه il a montré la différence الفرق بين المطلق والعام. Et ça c'est مهم جدا لان beaucoup de gens ils mélangent. اولا العام يشمل جميع الافراد بلا حصر. ان الانسان لفي خسر, ça englobe tous les êtres humains. Et on a un تخصيص الا الذين امنوا والا فقوله ان الانسان, ça englobe tout le monde. On peut citer un autre exemple bila bila takhsis qawlu azza wa jal wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Hada, ça englobe tous les êtres humains. Tous les êtres humains, ils ont été créés min dha'f. Et ils ont du dha'f, des faiblesses. Qala huwa al-mutlaq la yashmal jami' al-afrad bal yata'allaq bi fard wahid faqat. Amma al-mutlaq, ça englobe pas tout. Bal ça vise wahid. On revient à قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. تحرير, c'est affranchir. رقبة, c'est un esclave. من قبل أن يتماس, ça c'est avant qu'ils aient des rapports. Donc قوله فتحرير رقبة أي أنهم, ils doivent affranchir un esclave. C'est pas من العموم. Ça serait من العموم, ils devraient affranchir tous les esclaves. Là, فتحرير رقبة, un esclave parmi les esclaves. Donc tu choisis un. C'est comme si je dis ana, et on a déjà cité cet exemple, akrim at-tullab. Je dis à un frère, akrim at-tullab. Akrim, c'est une al-ikram. Et sois généreux envers le tullab. Et tous les tullab. Maintenant, tu leur offres chacun un cadeau. Hada, c'est min al-umum, at-tullab. Alif al-lam. Yufid al-umum. Et si on dit, akrim taliban. Akrim taliban. Taliban, huna, c'est mbab al-mutlaq. Et un talib, tu le choisis. Maintenant, on est 100. 100 tullab, tu choisis un. Je te dis, akrim taliban. Je te montre pas qui, c'est mutlaq. Il n'y a pas de qid. On verra que at-taqid, c'est comme at-taqsis. C'est le fait de citer un qid. Tu cites une précision. Je te dis, akrim taliban mujtahidan. On a un taqid. Tu donnes pas à n'importe quel talib. Maintenant, on est 100. Et sur les 100, il y en a un. Il est connu pour l'ijtihad plus que les autres. Et là, je te dis, akrim taliban mujtahidan. Fafi hada al-hal, tu donnes à celui qui fait l'ijtihad, pas aux autres. Ah, là, c'est ça la différence entre les deux. Donc, la première différence, al-am yashmil jami' al-afrad bila hasr. Al-mutlaq la yashmil jami' al-afrad, bal yata'allaq bi fard wahid. Thumma qalu, wal-am Deuxième différent. يصح الاستثناء منه. تذكرون إن الإنسان على في خسر إلا الذين آمنوا. قال أما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. لماذا؟ لأنه ينكر. Tu peux pas faire d'istithna. Tu peux faire un taqyid, une précision. Ama si je dis akrim at-tullab, c'est umum, illa al-kasoul. Je te dis soit généreux envers at-tullab sauf le feignant. هنا هي الاستثناء إلا أما المطلق tu peux pas faire l'istithna. Je te dis akrim taliban illa taliban. Tu peux pas. Là, tu dois choisir. هذا واضح. قال أما المطلق فلا يصح الاستثناء منه كأنه تقول إن إنسانا خاسرا فكيف يستثنى من الواحد. نعم إن إنسانا خاسرا ثم تدي إلا واحد سبب. أما avec العموم إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. Donc c'est bon. قال كذلك الصيغة العام. En général الصيغة العام c'est النكرة في سياق النفي والنهي. تذكرون العام نكرة في سياق النفي أو النهي. أما المطلق فنكرة في سياق الإثبات. هنا الإكزامبل هنا فالتحرير رقبة. فالتحرير رقبة بلوتو. فالتحرير رقبة رقبة اللي بيان نكرة في سياق الإثبات. C'est qui peut citer نكرة في سياق النهي يفيد العموم. أحسنت لا تشركوا به شيئا. شيئا c'est من العموم. C'est من العموم. C'est pas qu'une divinité. Toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah عز وجل. لماذا لي on a لا. لا c'est ناهية. On a لا تشرك. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنت. هذا c'est الخلاصة. Et à la fin du درس إن شاء الله si vous voulez les recopier ou vous prenez du شرح et les citer. قال on répète الآن واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد أي حقيقة الشيء مثلا فالتحرير الرقبة أي tant que c'est une رقبة فتو peux la franchir. C'est ça قوله ما دل على الحقيقة. Si c'est pas une رقبة tu vois, est-ce que tu peux franchir un homme libre? لا. فالتحرير رقبة بلا قيد. بلا قيد ça veut dire qu'il n'y a pas de précision. هنا قوله عز وجل فالتحرير رقبة on n'a pas de précision. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est pas un croyant? Est-ce que c'est un arabe? Est-ce que c'est pas un non-arabe? Tahrir ou raqaba? C'est bien l'itlaq. Al-Muhim, tu trouves un esclave et tu l'affranchis. Qala, fakharaja bi qawlina ma dalla ala al-haqiqa al-am, li'annahu yadul ala al-umum. Naam. Amma al-am, ça englobe tous ceux qui ont hadha al-ma'na. Matalan al-insan. Tous ceux qui sont qualifiés d'être humains. Il rentre fi qawli Allah azza wa jalla inna al-insana la fi khusr. Donc on a une exception, ay al-mu'minun. Qala al-'am li'annahu yadullu 'ala al-'umum la 'ala mutlaq al-haqiqa faqat. On a cité la différence entre al-'umum et al-mutlaq al-itlaq wa kharaja bi qawlina bila qayd al-muqayyad. Baqiya al-an al-muqayyad. Qala ta'rif al-muqayyad. Al-muqayyad lughatan ma ju'ila fihi qayd min ba'ir wa nahwih. Ça c'est en langue arabe. Hadhihi al-madda tadullu 'ala al-habs. C'est pour bloquer une chose, arrêter une chose. Ça, c'est en langue arabe. وَاصْطِلَاحًا مَا دَعْلَ عَلَى الْحَقِيقَ مُقَيِّدٍ. Vous avez remarqué le lien. C'est comme si هذا الإطلاق, tu l'enchaînes, tu le limites avec quelque chose. Comme le chameau, on l'attache pour pas qu'il s'échappe. فَهَكَذَا التَّقْيِيدِ, ça va limiter المطلق. قَالَ كَقَوْلِهِ تَعَالَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Vous avez remarqué que في سورة المجادلة الرقبة il n'y a pas de taqid. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Ce n'est pas si tu es croyant, un kafir, homme, femme. C'est si tu es raqaba, un esclave. Ça englobe jami' al-abid et al-ama, les esclaves. قَالَ أَمَّا هُنَا قَالَ dans surat al-Nisa فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ مُؤْمِنَةٍ يُقَيِّدْ لَفْدْ الرَّقَبَةٍ. أي cet esclave il faut que ça soit incroyable. Amma un esclave kafir, fala. Qala fa kharaja bi qawlina qayd al-mutlaq. Si tu as compris hada, c'est quoi al-mutlaq? Et c'est quoi al-muqayyid? Donc al-mutlaq, ça ressemble au umum, lakin il y a des différences. Et on les a cités ensemble. Al-muqayyid, c'est la même chose que le khas par rapport au l'am. Et ça va préciser, avoir une précision. Et cette raqaba, maintenant cet esclave, il est comment? Si tu as compris, et si tu as un nos mutlaq, qu'est-ce que tu dois faire? قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. Donc si on a un dalil mutlaq, tant qu'on n'a pas une précision dans un autre nos من القرآن أو من السنة فالواجب c'est العمل على هذا الإطلاق أو بهذا الإطلاق. لكن si il y a un taqyid, on doit le rechercher, bien sûr. Lakin, si on a recherché et on n'a pas, enfin, on reste sur l'asl, annahu, il est mutlaq, on n'a pas besoin de le préciser par une chose. On emploie le mot préciser, pas spécifié, pour faire la différence avec al-tahsis, avec l'am et l'khas. Wa illa wa al-haqiqa, c'est un genre de c'est comme si tu spécifiais avec une chose. Qala, وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا. Cette précision elle est importante. Si le حكم il est واحد فيجب تقييد المطلق avec ce nos que tu as trouvé. قال وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. L'exemple il va nous clarifier tout cela بإذن الله. قال مثال ما كان الحكم فيهما واحد قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس هذا سفي كفارة الظهار. Ça concerne le couple et on ne détaillera pas c'est quoi الظهار. Ça c'est min دروس الفقه. المهم c'est une كفارة par rapport à un couple. قال فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس قوله في كفارة القتل فتحرير رقبة المؤمنة. La كفارة qu'elle est au couple, comme c'est cité dans sourate Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas précisé cette raqaba, comment elle est. Il y a un itlaq, فتحرير رقبة. في كفارة القتل, la كفارة qui concerne le meurtre, قال عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé que cette raqaba est مؤمنة. قال شيخ العثيمين فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة. Vous avez remarqué que dans les deux cas, que ça soit concernant le couple, s'il y a eu un zihar entre les deux, et le meurtre, فالحقيقة le حكم il est واحد, c'est تحرير الرقبة. Les deux ils doivent affranchir un esclave. قال فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. لماذا؟ لأن الحكم لواحد. Vu que pour le meurtre, cet esclave qui va être affranchi, il faut qu'il soit mu'min. Vu que pour الظهار, concernant le couple, كذلك, il faut affranchir un esclave. ففي الحقيقة c'est la même chose. Donc الرقبه كذلك il faut qu'elle soit mu'mina, il faut que ça soit un esclave croyant. Et il y a un khilaf في هذا. Il y a un khilaf. هذا c'est قول الجمهور. Et بعض العلماء ils ont un autre قول. Il laisse الرقبه مطلقه pour الظهار et la précision لماذا لان chaque dalil ils le prennent à part. لكن nous l'essentiel c'est de comprendre فقط العمل. قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحد. Un autre exemple, le hukm, ce n'est pas la même chose. Donc, tu ne pourras pas faire at-taqid. قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة, le voleur, homme ou femme, la sentence, c'est que sa main doit être coupée. وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Vous avez remarqué que dans les deux versets, il y a le mot أيديهما et aïdiyakum, aïlimma. Qala fa l'hukm mukhtalif. C'est quoi l'hukm? Dans la première, al-qat'a. Et dans la deuxième, indak, al-ghaslu. Al-ghasl, aï laver les mains. Et la première, couper les mains. Le hukm, il est différent. Le premier verset, c'est lié aux mains, lakin, couper la main du voleur. Le deuxième verset, c'est toujours lié aux mains, lakin, laver les mains. Donc le hukm, il est différent. Qala fa fil oula, قطع وفي الثانية غسل. C'est ça le hukm. فَلَا تُقَيِّدْ الْأُولَى بِالثَّانِيَةِ. Pourquoi? Parce que le hukm il est différent. قَالَ بَلْ تَبْقَ عَلَى إِطْلَاقِهَا وَيَكُونَ الْقَطْعَ مِنَ الْكُوعِ مِنَ الْكُوعِ مَفْصَلَ الْكَفِّ وَالْغَسْلُ إِلَى الْمَرَافِقِ. On ne peut pas faire un taqid. لماذا? لأن la main du voleur qui doit être coupée في شريعة الإسلام c'est, comme قال شيخ ابن عثيمين, un endroit bien précis. قال ويكون القطع من الكوع مفصل الكف. Et c'est au niveau du poignet. Enfin, le voleur, on ne va pas lui couper la main, le bras, au niveau de l'épaule ou au niveau du coude. Là, c'est bien précis au niveau du poignet. Al-mafsal. Et huna, le moment où le bras, à partir du poignet jusqu'au coude, tu as un mafsal huna. Et al-ghasl, qala il a le marafiq jusqu'au coude. Donc est-ce qu'on peut dire, vu que qawluhu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, on a un itlaq, les mains, coupe la main, on n'a pas de précision, est-ce qu'on peut dire on va faire un taqyid vu que les mains, on a un taqyid dans le verset qala azza wa jalla faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Vous avez remarqué que les mains sont précisées jusqu'au coude. Est-ce qu'on va dire donc, vu que le verset As-sariq ou as-sariqatu l'afd al-aidi le mutlaq, on va le qayyid avec ayat al-wudu? Pourquoi? Parce que le hukm il est différent. Dans un verset on parle de lavage et dans l'autre on parle de couper. Contrairement au premier exemple, tahrir al-raqaba, les deux c'est affranchir un esclave. Donc fi hadha qawl al-ulama ou kathir min al-ulama, ils ont dit que tu fais التقييد هذا والله تعالى أعلم. Et pour finir, فائدة في الوضوء par rapport à ce verset, فانتبهوا قوله عز وجل فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كثير من الناس ils font une erreur, أنهم ils pensent que le lavage des mains au début de l'wudu c'est ce lavage là. Se laver trois fois les mains au début de l'wudu c'est mustahab. C'est pour ça que c'est pas cité في سورة المائدة, في آية المائدة. الواجب c'est هذه الأعضاء qui sont cités dans ce verset. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, c'est obligatoire. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Donc التنبيه c'est quoi? C'est quand on fait l'wudu, alhamdulillah on applique sunnah, on se lave trois fois les mains au départ, ثم la bouche, le nez, ثم le visage, ثم quand tu te laves les mains tu dois les relaver, c'est obligatoire. Il se lave les mains et vu qu'il s'est déjà lavé les mains trois fois, il pense qu'il met de l'eau et il se lave que à partir du poignet et il se lave hakada, le coude, jusqu'au coude. Et il oublie les mains. Alors que les mains, c'est obligatoire, Riyad al-Hal. Ta'ammalu tartib, faghsilu wujuhakum. Tu te laves le visage. Thumma aydikum, tu te relaves les mains. Ben, c'est dans ce cas que c'est obligatoire. Amma, au début, c'était mustahab. Tanbihun thani. بعض المسلمين كذلك يفعلون une autre erreur, انهم يسلاف لابامبرا لكن لابامبرا لكن ils se lavent pas le coude. Ils prennent هكذا l'eau et ils se lavent la main et ils vont jusque هنا مثلا. Ils font هكذا. لا الى المرافق. Et les ulama يقولون ان المرفق le coude ça rentre في الغسل. Donc tu te laves le coude. وجاء في الحديث انه شرع في العضد. بل النبي صلى الله عليه وسلم il s'est lavé les coudes et il commençait à dépasser le coude. Al-Muhim, ça englobe le coude. Ah, là, c'est Muhim. Donc, pour l'wudu, c'est important. Et ça, c'est min al-wajib. Ça, c'est min al-wajib. Mais se laver les mains trois fois au départ, c'est mustahab. Vous voulez les différences? Ou quelqu'un les a notées? Wahad, il les note et après, il les donne aux frères. Ou, Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a. Ana, j'ai la khos kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a cités. Donc, le premier farq entre al-mutlaq et al-am. أن العام يشمل جميع الأفراد. العام سأنغلب جميع الأفراد. إن الإنسان خلق الإنسان أو خلق الإنسان ضعيفة سأنغلب tous les êtres humains. المطلق لا يشمل جميع الأفراد بل يتعلق بفرد واحد. فتحرير رقبة سأنغلب que un, لكن elle n'est pas précisée cette رقبة, donc tu peux choisir. المطلق لا يشمل جميع الأفراد بل يتعلق بفرد واحد. On a donné les exemples. Thanian, la deuxième différence. Al-am, yassih al-istitna min. Yassih al-istitna min. Inna l'insana la fi khusr illa alladhina amanu. On a cet exemple. Al-am, yassih al-istitna min. Amma al-mutlaq fala yassih. Amma al-mutlaq fala yassih. Troisièmement, al-sigha. Al-am, c'est un nakira fi siyaq al-nafi ou al-nahi ou autre. العام صيغته كما تقدم معنا سأن نكرة في سياق النفي أو النهي لا تذهب أو لا تشرك به شيئا لا تشرك به شيئا ولا تدعو مع الله أحدا أحدا هنا عموم إلى في صيغة النهي donc ça englobe toutes les créatures. العام النكرة في سياق النهي والنفي أما المطلق فنكرة في سياق الإثبات أما المطلق فنكرة في سياق الإثبات قوله فتحرير رقبة كذلك الإجزام قونا دوني أكرم طالبا فالطالبا إلى نكرة في سياق الإثبات والمطلق نكرة في سياق الإثبات إيه تبخسيز انظر شرح الإمام العثيمين رحمة الله عليه Aïe, c'est la référence. Ou illa nahnu, on a résumé qalilan. Enfin, réviser ce qu'on voit ensemble, et vu que c'est une semaine, profitez-en pour lire le sharh. N'étudie pas le sharh, c'est autre chose. Faut un mudarris. Là, lis. Tu vas profiter en arabe. Qabla dhalik, si tu as une bonne intention, wa nas'alullah azza wa jal min fadlihi, tu auras des récompenses. Tout ce que tu lis, les nasi du ilm. Et كذلك tu vas profiter par rapport au dars. Rubbamat c'est toi qui nous citeras des fawaid. Lakin hada ça demande un chey min al-ijtihad. Et c'est qu'un dars par semaine ya jamaa. Le dars samedi, si tu lis pas dimanche, tu as lundi, si tu lis pas lundi, tu as mardi, si tu as mardi l'akhir jusqu'à samedi matin. Khassatan les frères qui ont al-qudra. Amma les frères qui ont du mal à lire en arabe et à comprendre, haoula et ils écoutent et ils profitent ma au fil dars. قال رحمه الله المجمل والمبين هذا الباب كذلك مهم جدا il est très très important لان بعض اهل البدع وبعض اهل الاهواء كما تقدم معنا ils se servent de ces règles de هذه الاصول pour propager leurs égarements فمثلا pour défendre بعض المنحرفين فيقولون ان هذا الكلام الذي تنتقدونه il est مجمل مثلا ils ont fait هذا مع سيد قطب ومع غيره ils ont dit لكن il a des autres paroles طيبه مثلا certains passages c'est du تكفير clair dans d'autres passages là il montre l'importance de s'aimer entre frères l'importance de kada le danger de faire du takfir ila akhir yaqulun hadha il est mujmal hadha il est mubayyin كذلك ils emploient le mot mufassal al mujmal wal mubayyin ou al mujmal wal mufassal c'est la même chose fa yaqulun anna hadha al kalam il est mufassal fa pourquoi vous prenez cette parole du shir et pourquoi vous prenez pas l'autre on répète anna هذه القواعد on les emploie dans les textes du Coran et de la Sunna. لماذا que ça soit العام الخاص ou المطلق المقيد ou المجمل المفصل. On les emploie في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لأن كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام c'est من الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Et c'est impossible qu'il y ait une contradiction. Enfin, si tu as un dalil am et un autre dalil, en apparence, ça se contredit, il n'y a aucune contradiction. Imma c'est min bab al-am wal-khas, ou al-mujmal al-mufassal, ou al-mutlaq al-muqayyid, ou al-nasikh ou al-mansour, ou si c'est min al-ahadith et un hadith da'if, ça ne peut pas se contredire. Amma fi kalam al-bashar, Sayyid Qutb, il n'était pas ma'soum, loin de là, c'est un munharif, un dal. Et jami' al-nas, إلا من عصمهم الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تستفيد من هذا أن الإنسان si il dit quelque chose de خطأ ثم il a un autre kalam de sawab, on ne dit pas هذا الكلام يحمل على كلامي هذا سي با صواب ابدا الامام الشوكاني رحمه الله عليه وغيره ils ont montré هذا سي في نصوص الكتاب والسنه اما l'être humain il est pas معصوم مثلا انا aujourd'hui je dis un كلام مجمل كلام il y a des erreurs ثم la semaine prochaine je dis un autre كلام الكلام il est صواب ثم واحد il me dit لكن tu avais dit هذا j'ai pas le droit de dire نعم لكن هذا c'était مجمل الان j'ai fassal la لابد من توبه وبيان je dis astaghfirullah ce que j'ai dit c'était une erreur et ce kalam que je dis الان والله الحمد c'est la vérité il a appuyé sur telle preuve والا c'est très très grave et là c'est très très grave on pourra plus réfuter ahlul bid'a wa dhalal c'est pour ça que ahlul tamyi' wa ahlul tahazzub ils ont pris cette règle comme Abu al-Hasan al-Misri al-Maghribi انحرف في هذا الباب إذا دي طامات انحرافات بكل وضوح هما يتزانوا الكلام يبخطندي لكن جيدي هنا سو كلام إلي صواب pourquoi vous prenez cette parole وعلماء السنة ils ont répondu et pourquoi tu as dit cette parole لابد من توبة et tu dois montrer لماذا لأن بعض الناس ربما ils vont prendre cet égarement ils vont pas prendre الكلام الصواب et كذلك أن الإنسان il est مأمور بالكلام بالحق أما dire du باطل et après dire dire une chose bien et prétendre que ça spécifie ou ça précise le kalam al-batil fa hada la yajouz donc hada c'est un tanbih muhim wal ulama katabou fi hadhihi al-mas'ala kathiran wa lillahi al-hamd et on avait détaillé hada dans certains durous qu'on avait fait à l'époque on essaiera de les refaire d'ailleurs c'est des durous muhimma certains qawa'id de ahl al-bid'a on avait cité manhaj al-muwazanat on avait cité المجمل والمفصل et d'autres égarements qu'on essaiera de refaire ensemble et de rajouter certaines choses بإذن الله عز وجل donc هذا الباب il est مهم أما نحن dans ce kitab on va étudier المجمل والمفصل bien sûr pour profiter dans الفقه أما cette مقدمة c'était مجرد un تنبيه c'était une remarque قال تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع نعم quelque chose de مجمل c'est pas quelque chose de clair مبهم اي tu dis هذا الشيء فيه اجمال اي يحتاج الى التفصيل ça demande du تفصيل ça demande de détailler enfin tu peux traduire المجمل par كذلك quelque chose de global quelque chose de c'est pas ambigu c'est pas une شبهة لكن ça demande à être détaillé. C'est quoi le contraire de détail? Général, global, c'est qu'un mot? C'est une question, là. Je veux faqat savoir. Hein? Est-ce qu'on peut dire confus? Mlabas, na'am. Confus, na'am. Na'am. Ou un mot, muhim, qui ressemble à hada. Muhim, tu as quelque chose de détaillé et tu as quelque chose qui n'est pas détaillé. Enfin, c'est ça, al-mujmal ou al-mufassal. Hein? هذا c'est pour مبين هذا معروف quelque chose de détaillé نعم لأن أحيانا il y a des choses qui ne sont pas détaillées elles sont claires نعم فدétaillé et في المقابل المجمل quelque chose qui n'est pas détaillé et celui qui trouve un mot فيفيدنا أو الحمد لله هذا يكفي قال واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره هذا هو المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره أي pour comprendre المجمل أي un texte du Coran أو un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui n'est pas détaillé لابد من تفصيل فsi tu as besoin d'une chose qui le détaille فهذا c'est le مجمل ما يتوقف فهم المراد أي pour comprendre المراد Et ce qui est voulu de ce verset ou de ce hadith, tu as besoin d'un autre texte. Vous avez remarqué que ça ressemble au al-am ou al-khas, al-mutlaq ou al-muqayyid. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il les a cités l'un après l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Al-am, c'est global et al-takhsis, ça le précise. Al-mutlaq, taqaddam ma'ina. Amma huna, c'est al-mujmal. Al-mujmal, et ça demande une précision pour savoir comment faire. Mathalan. قوله عز وجل أقيم الصلاة ربما c'est l'exemple qu'il a cité أو il a cité رحمة الله عليه وآتوا الزكاة هذا c'est مجمل C'est pas min bab l'âme, tu as besoin d'un tarsis. Là, ça c'est min bab l'ijmal. Aqimu as-salat. Et tu dois accomplir la salat. Lakin, comment l'accomplir? Si wahed, il demande comment l'accomplir? Ça demande des détails. Annahu, il doit se mettre debout en direction de le qibla, lever les mains, dire Allahu Akbar, thumma, il y a certains adhkar, thumma al-fatiha, il est akhiré, jusqu'au taslim. Al-mujmal, c'est aqimu as-salat, et al-mufassal, c'est les détails qu'il y a dans ce sunnah. Beaucoup de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith al-ma'roubi al-moussi fi salati, hadith sahl ila akhiré, des hadith que les ulama ils ont cité fi kutub al-fiqh. بعضهم يسيت عن autre تعريف محتملة أو محتملة معنيين أو أكثر في نص واحد ولا مرجح ظاهر. هذا ça sera dans d'autres livres إن شاء الله تعالى. ما تعريف شيخ ابن عثيمين هنا إلى الطيب. ما يتوقف فهم المراد من على غيره إما في تعيينه أو بين صفته أو مقداره. هذا سيأتي من كلام شيخ ابن عثيمين نقرأ. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال فإن القر القر بضم القاف وسكون الراء فإن القرء c'est le singulier de قروء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيينه أحدهما إلى دليل. هذا قوله إما في تعيينه. أي tu as un lafz mujmal. Tu as un mot dans le Coran et dans la Sunna. Tu peux comprendre un sens ou un autre. Il y a deux sens. مثلاً هنا القر. Il y a deux sens. الحيض والطهر. Ce mot il désigne إما الحيض les menstrues, et matur, le fait de ne plus avoir les menstrues. Dans la langue arabe, ils emploient ce mot pour les deux. Fi qawlillahi azza wa jalla wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Est-ce que le mourad huna c'est le hayd ou le tahr? Hada ijmal, il faut un tafsil. Fa qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, fa inna al qur'a lafz mushtarak bayn al hayd wa al tahr. Tu peux comprendre le hayd ou le tour. فلهذا العلماء اختلفوا كثيرا. كثيرا sur المطلقة, sur sa idda. Est-ce que c'est trois cycles? Est-ce que c'est trois règles? Il faut qu'elle se purifie trois fois. الخلاف il est مشهور في كتب الفقه. Par rapport à هذا اللفظ. قال فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. Il faut un dalil qui nous montre est-ce que المراد c'est trois, qu'elle a les règles trois fois ou qu'elle se purifie trois fois. C'est différent. قال شيخ عثيمين رحمه الله ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة. نعم الله سيت الإكسامبل. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. Ça c'est on est toujours dans le تعريف. إما في تعيينه أي entre deux معاني. C'est le premier exemple. Tu as un mot et il a deux sens. Enfin lequel sens choisir pour comprendre le texte. Ça c'est le premier cas. قوله أو بيان صفته أي un lafz mujmal لكن tu as besoin d'autres textes pour détailler الوصف أي comment faire مثلا قوله وأقيم الصلاة هذا c'est mujmal tu dois faire la salat لكن comment la faire les détails التفصيل c'est dans السنة قال فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة. Vous avez remarqué que في الحقيقة les trois points qu'il a cité التعيين والصفة والمقدار tout ça c'est pour détailler الإجمال que ça soit من باب التعيين أو الصفة المقدار الأمر سهل لأن آتوا الزكاة هنا tu as besoin d'une précision أي المقدار à partir de quel moment. Est-ce que si j'ai telle somme, je dois sortir az-zaka? Si je dois sortir az-zaka, je dois sortir combien de pourcentage? مثلاً كذلك في الأنعام. مثلاً واحد il a un troupeau de vaches. À combien? À partir de quel moment il doit sortir az-zaka? Est-ce que s'il a 10 bêtes, 20 bêtes, 100 bêtes? Thomas, s'il a 100 bêtes et il doit sortir az-zaka, combien de bêtes il doit sortir? Ou est-ce qu'il doit sortir de l'argent? Tout ça, c'est mufassal fi imma fi al-Qur'an imma fi sunnat an-nabi alayhi salatu wa salam. Enfin, vous avez remarqué qu'il y a des textes mujmala et elles ont besoin d'être détaillées. قال ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى واتوا الزكاه فان مقدار الزكاه الواجبه مجهول يحتاج الى بيان ومن هنا يتضح اكثر ضلال الفرقه الخبيثه الكافره القرانيين انهم يزعمون انهم سي دي قرانيون يبريتند اي سي من ابعد الناس عن القران لكن هم يقولون نحن نبخوك القرآن فقط فلهذا العلماء اللي زو أبلي القرآنيون با بارسك يزابليك القرآن لا بارسك الحقيقة يبخيطن لابليكي إن أبليكني القرآن ني السنة سيبوساك العلماء كفروهم إن شاء الله تعالى ست سكت on l'étudiera ensemble dans notre série de cours sur les sectes. هؤلاء تتعجب من انحرافهم ونسأل الله السلام والثبات أنهم يقولون نبخوك القرآن فقوله وأقيموا الصلاة كمو إبن فار. Comment ils vont faire? Combien de rak'a ils vont prier fi dhuhr? Est-ce qu'ils vont faire ruku? Est-ce qu'ils vont faire sujoud? Est-ce qu'ils vont faire ruku avant sujoud? Qu'est-ce qu'ils vont réciter? Mazalan at-tashahhud, il est pas cité fi al-Qur'an. Combien de rak'a c'est pas cité fi al-Qur'an? Les heures kadhalik, c'est pas cité en détail. Wa hakadha beaucoup de choses. Fa ha'ula c'est des dhullal. Qala ta'rif al-mubayyin. Al-mubayyin lughatan al-mudhhir والموضح. Vous avez remarqué, Ouna, c'est ce qui clarifie, ce qui détaille, ce qui précise, ce qui limite al-mujmal. Donc al-mujmal, c'est quelque chose de vaste, et al-mufassal, c'est quelque chose qui va détailler, qui va préciser. En français, c'est compliqué de trouver des mots, et on peut se répéter, citer les mêmes mots qu'on a cités avant pour at-tarsis et at-taqyid. Et Robama y a un iltibas. C'est pour ça que d'aïman nansah de rester avec les mots arabes. Al-mufassal, c'est clair, c'est quelque chose qui détaille. Al-mujmal, c'est ce qui va être détaillé. Et alhamdoulilah, apprends les mots en arabe et utilise-les. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple que at-takalluf fi tarjama. Ahyanan, c'est compliqué de trouver des mots pour chaque istilah. Qala rahimahullah. Fa bi al-mubayyan. يزيل الإشكال بالمبين يزيل الإشكال أي الإشكال il n'y a plus. Tu peux avoir un إشكال لماذا لأن tu n'as pas de détail. Avec المبين tu n'as plus هذا الإشكال, tu n'as plus de problème, أي la مسألة sera très claire. قال واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. Donc في الاصطلاح أي هنا في كلام الأصوليين ما يفهم المراد من أي avec هذا المبين المفصل tu vas comprendre المراد وأقيم الصلاة هذا مجمل avec المبين tu vas comprendre c'est quoi vraiment إقامة الصلاة. Ça veut dire quoi إقامة الصلاة, accomplir la salat, ça veut dire faire telle chose, dire telle chose à telle heure إلى آخره. قال مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. Donc dans le تعريف قال ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أي la kalima elle est compréhensible elle-même, tu n'as pas besoin d'un autre mot pour le détailler. هنا في الحقيقة on n'est pas dans notre bab مجمل ومفصل. Tu as des kalimat, elles sont واضحة, tu n'as pas besoin d'autre chose pour les expliquer. مثلا السماء الأرض الجبل, مثلا une montagne c'est une montagne, le mot il est clair. Si je te dis une montagne, tu n'as pas besoin d'un autre mot pour comprendre. Une montagne c'est une montagne, un arbre c'est un arbre, وهكذا. قال فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع أي seul quand elle est citée seule الكلمة elle est مفهومة et كذلك هذه الكلمات ça dépend de la langue bien sûr لكن pour les arabophones le kalam il est واضح. Tu n'as pas besoin de علم ou plutôt tu n'as pas besoin de تعليم, tu n'as pas besoin d'étudier. العوام ils savent c'est quoi السماء, طالب العلم il sait c'est quoi السماء, العالم il sait c'est quoi السماء, الجبل tu demandes à n'importe qui, s'il comprend la langue avec laquelle tu parles, ben, il comprendra c'est quoi un djebel. Celui qui ne comprend pas l'arabe, il doit étudier l'arabe. Hada, c'est al-kalima, ou plutôt ma yufam bi asli al-wada. Et on n'a pas besoin d'autre chose. Et c'est pas lié avec notre dars hada. Ce qui nous intéresse nous, c'est al-kalam al-ati. قال ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء أي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كل منهما مجمل dans le verset, c'est dans le même verset, من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Ça c'est من الإجمال. Et on n'a pas de précision dans ce verset comment faire la salat et comment donner la zakat. هذا سي مجمل سي با ديتاي. قال ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. قال العمل بالمجمل. Vous avez compris الان سي كوا المجمل اي سي كوا المبين المفصل. On répète المجمل كما قال شيخ ابن عثيمين ما يتوقف فهم المعنى منه على غيره اي pour comprendre ce mot ou ce verset ou ce hadith, tu as besoin d'autres textes qui vont le détailler, qui vont le clarifier. Et al-mubayyin al-mufassal, c'est ce qui clarifie, ce qui détaille. Hada c'est wadih. Vous révisez hakada. Le ta'rif et tu comprends. Thumma, vous vous attardez sur hada al-kalam qu'on va lire l'an ensemble, bi-idnillah. Qala al-amal bil-mujmal. Et c'est ça al-thamara. Si tu as compris al-mujmal ou al-mubayyin, enfin, c'est quoi l'amal? Qu'est-ce que tu dois faire? Ou comment appliquer? Qala yajibu 'ala al-mukallaf 'aqdu al-'azm 'ala al-'amal bil-mujmal mata hasala bayanu. Hada ça nous montre an al-'amal il est bil-mufassal. Amma al-mujmal tu peux pas l'appliquer parce que ça demande à être détaillé. Aqimu as-salat, comment tu vas faire salat si tu ne sais pas? Fa wahid peut lire le Coran et dire "Na, je veux faire salat." Je suis convaincu, je veux faire. Pour la faire, on est obligé de lui citer At-Tafsil, lui apprendre. Il doit apprendre Surat Al-Fatiha, qabla dhalik, il doit apprendre à faire l'Oudou. Kadhalik, il doit connaître la direction de l'Qibla. Kadhalik, il doit savoir quoi dire Al-Ruku', Al-Sujud, Al-Raf' min Al-Ruku'a, Bayna Al-Sajdatayn, ila akhra. Qala wa Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam qad bayyana li ummatihi jami'a shari'atahu wa usulaha wa furu'aha. Wahada c'est muhim. لماذا؟ لأن هنا نوتخ بروبليم في هذا الباب أن بعض الضلال يديتاي سيغتان تيكست افيك لوغ باسيون. النبي صلى الله عليه وسلم ينوزا اوردوني سيغتان شوز، ينوزا انتردي سيغتان شوز، اي تو سو كون ا بوزوان دون نوتخ دين ينو لا ديتاي. اون ا با بوزوان دو دوتر. لي سافون ينو زيت ا كومبروندر. اما واحد يدون دي بريسيزيون دو سا بار، الوغ كيل نيا با دو بروف. أو يفس سورتير سيغتين شوز alors qu'il n'a pas de preuve. هذا سمن الانحراف. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين اللي كامل. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. هذا سبيل الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم tout ce qu'on a besoin il nous l'a montré. Que ça soit fil aqida, bien sûr. Que ça soit fil ma yata'alak bil asma wa sifat. Que ça soit fil fiqh. Que ça soit sur notre mu'amala avec les autres. Que ça soit avec les muslimin, avec les kuffar. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout détaillé. Limadha li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation de Allah azza wa jalla al-alim al-khabir. Amma ba'd al-nas yata'amalouna ma'an nusus ka'anna les choses, elles n'ont pas été clarifiées. Et ils ont besoin de clarifier eux-mêmes. Iyadam billah. Et ba'd an-nas, ils rejettent des choses. Qu'anna, ces choses, elles ne sont plus adaptées. Et ça, c'est très, très grave. Amma al-muslim, al-mu'min, y'a'taqid anna ad-din il est kamil, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré ce qu'on a besoin dans notre din. Enfin, si, et il est là le rapport avec notre dar, si tu as un ijmal dans un texte, que ce soit le Coran ou le Sunna, forcément, tu auras un tafsil. لماذا لأن tu ne peux pas être ordonné de faire une chose alors que tu ne sais pas comment. Ce n'est pas possible dans notre din. Al-Hadith, on le répète, حتى ترك الأمة على الشريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. Et dans le hadith, لا يزيغ عنها إلا هالك. Donc, هذا ça nous montre que le dîn est واضح. لكن le problème, il vient de quoi? Le problème, il vient des عباد. إما تقصير في العلم عيادا بالله, et c'est très très grave. واحد, il a besoin de certaines choses, لكن il a du تقصير. Il ne fait pas assez d'efforts dans l'ilm. Donc, il n'arrive pas à comprendre. مثلاً, الحج. الحج, Allah subhanahu wa ta'ala, أمرنا بالحج. وللله على الناس, حج البيت. Ça, c'est مجمل, حج البيت. Comment faire هذا الحج? Tu as التفاصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم. بعض الناس, ils ont du تقصير في العلم. Quand ils vont pour faire le حج, ils ont plein de manquements. Et ربما خلافات entre eux. Pourquoi tu fais ça? L'autre, il dit, mais pourquoi tu fais ça? L'autre, il dit, il faut faire ça. C'est pas fondé sur les textes. Hada il suit son cheikh, Hada il suit ses parents, Hada il fait comme les gens de son pays, et tu trouves des divergences. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le Hajj. Hadith Jabir radiyallahu anhu, Sahih Muslim, il est clair du début à la fin. Cheikh l'Albani rahmatullah alayhi, il l'a expliqué. Son livre Hajjatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'explication du hadith de Jabir. Un hadith. Et tu as, walillahi alhamd, tafasil kathira fil Hajj. Si tu rajoutes d'autres hadiths et tu rajoutes كذلك des versets du Coran al-Karim, la chakana manasik al-hajj, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous les a détaillés du début à la fin. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire par rapport au tawaf, par rapport à Arafah, par rapport au ihram, par rapport à at-talbiya, tout ça c'est détaillé fi al-Quran et fi sunna. At-taqsir vient de qui? Il vient de certains. كذلك بعضهم لماذا ils ont un problème via al-bab à cause de la mauvaise intention, iyadun billah. Ayat mujmala, ils prennent ce qu'ils veulent et ils délaissent les détails. Thumma yaqulun, mais dans le Coran, il y a tel verset. Iyadun billah, hatta ils sont arrivés à dire innama al-mu'minuna ikhwa. Ils sont venus à dire que ça implique, ou ça, c'est global, c'est général, hatta pour les Yahoud ou les Nasara. Iyadun billah. Ils prennent les textes ce qu'ils veulent. Alors que le texte fait innama al-mu'minun, les croyants, c'est les musulmans, ceux qui croient au prophète Mohammed et au Coran. Mais les juifs et les chrétiens, ils ne croient pas au prophète Mohammed et au Coran. Fait comment les faire rentrer fi hadha al-umum ou fi hadha al-ijmal? C'est un umum plutôt, innama al-mu'minun. Qala, et d'autres, on a cité deux causes avec l'insan, il n'arrive pas à comprendre hadha al-ijmal ou al-tafsil. الجهل عيادا بالله الهوى كذلك التقليد كذلك علماء الضلال قال وبينه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او الفعل او بالقول والفعل جميعا لبين جو بروفيت عليه الصلاه والسلام on est dans المبين donc هنا وبينه اي par rapport au مجمل النبي صلى الله عليه وسلم il va détailler certaines choses ولا شك بل il a détaillé le din complètement. On peut remplacer wabayanuhu par un autre mot. Hein? Naam, lakin un autre ta'bir. Naam, wa tafsiluhu sallallahu alayhi wa sallam qala imma bil qawl ou le fi'l ou le qawl wal fi'l jami'a. Naam, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam donc il détaille بعض al-ahkam al-mujmala qui sont cités dans le Coran ou dans le Sunna imma avec sa parole, imma avec ses actions, imma les deux. Ses paroles et ses actions. قال مثال بيانه بالقول صلى الله عليه وسلم إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. نعم مقادير الزكاة elles sont pas citées في القرآن الكريم. Tu les trouveras fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit zakat al-ibil, ou al-ghanam, ou al-baqar, ou ma saqati al-sama, ou al-huboub. Tout ça, tu as al-maqadir, les quantités. Et quand est-ce qu'il faut sortir de la zakat, les conditions. Tout ça, tu trouveras fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, hada, c'est un bayan bil-qawl. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a détaillé ce verset avec sa parole فيما سقط السماء قال ومثال بيانه بالفعل قيامه بافعال المناسك امام الامه بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. ثم ils ont pris ces manasik par rapport à ces af'al alayhi salatu wasalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rasé à tel moment, il a sacrifié sa bête à tel moment, il a fait tawaf de telle façon, il a fait sa'i, il a commencé par tel endroit. Tous les tafasils fait faire le Nabi alayhi salatu wasalam. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tafasils dans l'autre. Tu trouves des tafasils du hajj dans le Coran, dans des autres hadiths, avec ses paroles alayhi salatu wasalam, lakin parmi ces détails, tu trouveras kathiran dans les faits, les actions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait pendant le hajj et que les sahaba radiyallahu anhum ils ont rapporté. Jabir wa ghayruhu min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc هذا c'est bil fi'l. قال وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. أي lors d'une éclipse lunaire ou solaire. Le mashrou' c'est de faire salat al-kusuf. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-kusuf. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils ont rapporté comment il a fait. Il a fait de telle façon, il a récité telle chose, il a akhri. Et هذا الحديث, il est fait sahihain, comme fait le hachia. قال ومثال بيانه بالقول والفعل, les deux. بيانه كيفية الصلاة. فإنه كان بالقول, comme fait hadith, al-musi في صلاته حيث قال, sallallahu alayhi wa sallam, إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخره. هذا من أجمع الأحاديث في بيان صفة الصلاة, صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث سهل رضي الله عنه قال وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. دونك النبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré بالقول comment faire الصلاة. Et كذلك dans un autre hadith lui-même il a fait الصلاة, il est monté sur le minbar, il a fait الصلاة et tout le monde le suivait. أي التعليم ça peut être بالقول أو بالفعل. Et ça c'est مهم. بعض الناس ils ont plus de facilité في البيان avec الأفعال. بعض الناس ils ont du mal à rester concentré quand المدرس parle, et في البيان avec الأفعال c'est طيب, ça facilite. On peut rajouter هنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه il a rajouté في الشرح البيان بالترك أي le fait de montrer, de détailler en délaissant. Amma, avec une action, le fait de faire, on a des exemples avec As-Sala. Amma, le fait de délaisser, et al-Haqiqa, ça montre, ça clarifie un ijmal. Famathalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naha ani shurb qa'iman. Cet exemple, il l'a cité sur Ibn Uthaymin, fi sharhi, alayhi rahmatullah. Thumma shariba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naha. عن الشرب قائما ثم شرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا الى انترديت دو بوغ دوبو. ثم عليه الصلاه والسلام ils l'ont vu boire debout. Et هذه هي الفوائد الجليله. النبي صلى الله عليه وسلم الى انترديت ثم lui-même il fait la chose. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فتركه لما امر به بيان ان هذا الامر ليس للوجوب. Ça c'est une règle dans le fiqh. تستفيدها في هذا الباب المجمل والمفصل. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a interdit une chose, il a interdit de boire debout. ثم عليه الصلاة والسلام il boit debout, هذا c'est pour montrer la permission. أي boire debout c'est makruh, c'est pas haram. Celui qui boit debout يجوز, لكن le mieux c'est de boire assis. النبي صلى الله عليه وسلم vu que c'est lui qui montre عليه الصلاة والسلام, ou c'est lui qui a montré plutôt à l'époque, qui a montré le dîn. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils prenaient de lui le dîn et ils l'ont propagé. Et ça s'est propagé jusqu'à nos jours. Walillahi alhamd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui montrait. Enfin, il a interdit de boire debout. Ça, c'est un hukm. Thumma, biturkihi, il a montré. Il a montré, je bois debout pour vous montrer que celui qui boit debout, fala shay alayh. Lakin, délaisser, c'est mieux. Donc, boire debout, c'est makruh. هذا مثال. قال شيخ ابن عثيمين ولو كان واجبا ما تركه. نعم si ça serait واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم il aurait pas bu debout. Un autre مثال قوله عز وجل واشهد اذا تبايعتم. Le fait de prendre des شهود pour faire un عقد عقد البيع. قال عز وجل واشهد امر تقدم معنا ربما هذا dans باب الامر او des exemples. Des exemples qui sont proches de هذا. وَأَشْهِدُ أي le fait de prendre des témoins. هنا il y a un amr. الأصل في الأمر on avait dit c'est l'obligation, c'est le wujub. النبي صلى الله عليه وسلم il a acheté ou vendu certaines choses et il n'a pas pris de témoins. تَرَك pourquoi il a délaissé? Pour montrer que le fait de prendre des témoins c'est مُستحب. C'est quoi qui nous a permis de connaître le hukm? C'est التَرَك, le fait de délaisser. Donc النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد من أفعاله وكذلك تستفيد منه عليه الصلاة والسلام إذا ترك شيئا. C'est pour ça que السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم c'est parole l'akhiri c'est أفعال que ce soit un fi'l le fait de faire ou de délaisser les deux. فهذا c'est une زيادة de كلام شيخ ابن عثيمين et vous trouvez هذا الكلام في الشرح. أما المثال وأشهد إذا تبايعتم ربما إلا باسيتي في الشرح لكن لو دوزيام avec الشرب قائما فإلى سيتي ويكفي فهذا والله تعالى أعلم. فغيزي هذا الباب إلى مهم ونا أبليكي ولله الحمد ست قاعدة المجمل والمفصل avec certains exemples que الشيخ ابن عثيمين لا سيتي فالحمد لله.